18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Bonjour à tous et bienvenue sur Convergence 89.5 FM sur Croc Radio. Avec moi autour du mic, on a Yoz. Salut. Kev. Non, c'est pas moi. Si. Salut. Enchanté. Et Victor. Hello, hello. Et Kay Mariolo. C'est ça. Ça va mon grand? Ça va et toi? Ouais, et écoute, vous? Super bien. Et vous? Super bien, super au bien. Au top. Un plaisir de t'avoir. Bah, merci les gars de me recevoir en tout cas. bienvenue. Un plaisir. Je crois que tu vas avoir la chance de te faire un peu cuisiner. C'est ça, hein, j'ai cru comprendre. Mais gentiment, tu vois, on laisse mijoter. C'est bien. Plus tranquillement. Du coup, on va commencer par la question fondamentale. Comment t'en es venu à mixer? Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui a fait le déclic? Le déclic de cet amour pour la musique électronique? Du coup, c'est arrivé plus ou moins au lycée. Moi, au lycée, quand j'ai découvert du coup tout ce qui est un peu musique électronique et tout. Et avec un pote qui s'appelle Pierre, on s'est chopé un contrôleur à deux. Et du coup, il venait mixer. C'était un Traktor S2. D'accord, classique. Classique, vraiment. Tout le monde a commencé. On a téléchargé le Traktor et tout. Et il venait chez moi et on mixait et tout. Et à l'époque, il savait déjà mixer. Moi pas du tout, il me montrait un peu comment faire et tout, ça c'était ouais, je pense en seconde il me semble. Et c'est venu un peu comme ça, mais sans grande folie. Après du coup je suis parti à Lille après mon bac, donc pour faire une école là pendant 5 ans. Et c'est là où vraiment ça a pris plus d'ampleur, arrivé en deuxième année, où là je me suis acheté du coup des CDJ et tout, et on s'est mis avec mon collègue de l'époque, donc ça a créé une petite synergie quoi à deux. C'était quoi comme CDJ? Là j'avais deux CDJ 700 avec une zone 23. D'accord. Et du coup voilà, donc là on avait plus 19-20 ans. Et là on a commencé à mixer tranquillement à nos apéros chez nous, puisqu'on avait un bon appart pour ça. Donc on mixait un peu devant des poteaux et tout. On a mixé normal pour notre école, le BDE, le BDA, des trucs comme ça. Et naturellement ensuite, là où c'est devenu vraiment sérieux, c'est quand on est parti du coup avec mes deux collègues avec qui j'étais à Lille en stage à Paris. Et en fait avant ça du coup à Lille, c'est ce que je vous disais avant l'interview, là on avait un appart bien propice à faire la teuf. Et donc on a mis tout nos potes et tout, et en fait il s'avère que beaucoup de nos potes habitent à Paris. Et donc on s'est dit vas-y, il faut que maintenant qu'on soit à Paris, on n'a plus l'appart pour faire la teuf. Et on va essayer de créer une petite asso pour arriver dans les bars, faire des petits trucs comme ça et pouvoir tous se regrouper. D'accord. Et c'est comme ça que vraiment c'est parti, du moins notre projet à tous, dont on parlera après, mais le fait où on a commencé vraiment à mixer un peu devant des gens qu'on connaissait pas et tout, voilà, c'est vraiment parti à Paris, donc il y a un peu... ouais, il y a deux ans. D'accord, c'est ça. Et c'est-à-dire que l'asso s'appelle comment? L'asso c'est la Boomerie, c'est en fait, du coup c'est vraiment, comme je disais, en fait on avait un appart vraiment propice à faire des apéros, des soirées à Lille. Et naturellement, je sais plus du tout qui a trouvé ce nom de la Boomerie. Je pense que c'était l'époque où on disait on fait une boom. Et quelqu'un arrivait dans l'appart et a dit la Boomerie ou je sais pas quoi. Et c'est un nom qui vraiment est resté collé à notre appartement, à tous les trois. Et donc quand on a créé l'asso pour faire le truc dans les bars, bah, ça allait de soi quoi, d'appeler ça la Boomerie. Et donc on a gardé ce nom. Ouais. Et du coup voilà, aujourd'hui on a toujours à là-dessus. On a un peu pas trop de projets à venir, évidemment liés à la situation, mais... Mais voilà quoi. Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez commencé donc à Lille. Ouais, exactement. Qui a été partagé après sur Paris et maintenant t'es à Lyon. Voilà, en fait vraiment si tu veux à Lille c'est parti vraiment dans le côté que copains quoi. On faisait des grosses soirées, des trucs, mais dans notre appart on invitait que des amis. Une fois à Lille du coup on créait statut d'asso, donc là le but c'était de ramener un peu des gens. Donc là on s'est fait, pas un nom mais tu vois, on a gagné en visibilité et puis on avait du coup pas mal de potes qui parlaient un peu de nous et tout. On a commencé du coup après, en fait, on a eu un gros event qu'on avait... En fait, l'anecdote est marrante, on est parti, on a fait une date dans un club, on a booké les clubs et tout. D'accord. On a posé 1000 euros de line-up, mais on avait 200 euros de fonds, tu vois. Et on s'est dit, ouais non, mais ça va passer, ça va marcher et c'est tout. C'est casino, quoi. Voilà, c'est ça. Et arrivé deux jours avant la teuf, bah, on a invité normalement Tom Rice, je sais pas si ça vous parle un peu, de Francfort et des artistes parisiens. Deux jours avant la teuf, on a 20 préventes, je pense, de vendus. Du coup, grosse galère. Et en fait, c'est avéré que la soirée s'est hyper bien passée, parce qu'en face, à Paris, où il y a quand même énormément de concurrence, des teufs, plein de teufs différentes tous les week-ends. Ce week-end-là, le samedi soir, il n'y avait rien du tout, et du coup, on s'est retrouvé. Et le club était, ça s'appelait le club, et c'était à Châtelet, énorme visibilité quand les gens passaient. Et on s'est retrouvé à faire carton plein, à faire 2000 euros sur la soirée et tout. Et en fait, c'est comme ça que vraiment c'est parti, parce qu'avant ça, on faisait vraiment des trucs dans des bars où on prenait un 10% sur le chiffre d'affaires du bar. Ouais, classique. Et donc là, on s'est retrouvé avec 2000 euros de bénéfice sur la soirée. Donc on a appelé les line-up, et après, on s'est retrouvé avec une trésor un peu intéressante. Ouais. Où là, on a pu faire des vrais events comme on voulait le faire. Okay. Mais voilà, en fait, de base, il n'y avait vraiment aucune prétention à faire un vrai truc ou un gros truc. Et du coup, vu qu'on s'est retrouvé avec pas mal d'argent sur le compte, on s'est dit, bon, on va continuer un peu comme ça, à faire des events. On a fait 2-3 events, notamment à Paris, avant que bah, l'année dernière, quoi, où c'est un peu bouché. On essaie de faire des trucs un peu à Lille aussi, parce que nous, on était toujours étudiants à Lille. Ouais. Mais au final, notre public par rapport à nos soirées était beaucoup plus à Paris. D'accord. Donc on essaie plus de faire ça à Paris, parce qu'en plus, il y avait à Lille, ça manque un peu d'infrastructure. Enfin, il y a notamment la relève dont je vous parlais avant. On habitait juste au-dessus, et du coup, maintenant, c'est des super bons copains. D'accord. Qui on est, c'est le seul endroit quasiment à Paris où on a fait des vraies soirées. Et sinon à Paris, à Lille pardon, et à Paris sinon du coup voilà on faisait plus de soirées et parce qu'en fait tous nos potes entre temps avaient bougé à Paris, on s'était créé une petite communauté là-bas. Et pour en revenir, excusez, moi je suis lyonnais, mais mes deux collègues avec qui on a fait ça ils sont pas de Lyon. D'accord. Donc pour l'instant on a encore rien proposé à Lyon à ce jour quoi. D'accord. Et, et niveau style musical du coup, c'est l'association joue quoi principalement? Niveau style musical, on est honnêtement on joue un peu de tout, on est du coup très basé sur des artistes, enfin vraiment ouais des diggers quoi, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment des artistes qui ont un panel de musique vraiment différent. On est quand même très, je vais dire, on est dans le, vraiment dans la house et la techno, plutôt ouais, 90s, tout ça. Mais après voilà, nous, enfin moi en tout cas sur le collectif, on est deux à mixer. On essaye de se faire la collection la plus large possible, on n'est pas du tout restreint à un seul style. On a fait des soirées où on a invité des artistes qui jouaient très house. Ouais. D'autres soirées où on a fait notamment à Paris au Café Saint-Savin où là ça jouait plus techno. On a invité Joss, un londonien, et Daïf qui venait de Saint-Malo où là ça jouait quand même plus techno. Voilà, on est quand même vraiment ouvert là-dessus, même un peu minimal et tout ça. Okay. Aucune barrière à ce niveau-là. Nice. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans votre dans le collectif, donc vous êtes deux DJ. Ouais. Et il y a qui d'autre qui est englobé? C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui s'occupe de la com ou... Du coup, dans le comment c'est réparti, il y a du coup deux Benjamin, qui sont mes deux colocs, et moi. Ouais. Donc en fait il y a Benjamin et moi qui mixons. D'accord. Et l'autre Benjamin du coup qui mixe pas, lui il est vraiment sa vraie tâche c'est qu'il est trésorier, c'est lui qui gère toute la partie finance. Ouais. Après le reste de l'asso est complètement, enfin vu qu'on est trois et qu'on était un coloc, il y avait une, enfin on pouvait vraiment discuter. Il n'y avait pas un qui avait plus de pouvoir qu'un autre, de plus de décisions quoi. Donc toutes les décisions on les prenait à trois, tous les choix et tout ça vraiment après voilà. La grosse différence entre nous trois, c'est qu'il y en avait un qui gérait tout ce qui était un peu plus finance. Moi, naturellement, je me suis un peu plus tourné sur tout ce qui est communication et tout, parce que j'aime bien faire ça. Ouais. Mais voilà, les décisions, elles ont vraiment toujours été prises à trois. Et ouais, le gros avantage, c'est qu'on était coloc, et du coup, il n'y avait pas de galère de « faut qu'on se fasse une réunion, de machin ». On était là en train de dîner, on pouvait en discuter. Et c'est comme ça que ça a grossi aussi un peu facilement, c'est que beaucoup de communication, vu qu'on était coloc, c'était pas mal pratique. Ensemble, c'est ça. Et comment ça se passe du coup maintenant? Et ben du coup maintenant là ça fait que depuis décembre là qu'on est plus en coloc parce que du coup moi je suis reparti à Lyon et on a l'autre Ben aussi a fini aussi, mais avant ça en fait avant le depuis le confinement en termes de projet d'événements de soirée on est clairement à zéro. Enfin en fait on avait beaucoup d'événements de prévus pendant le premier confinement qu'on a essayé de reporter septembre, novembre, tout ça qu'on n'a pas au final voilà qui rien n'a eu lieu, donc là à ce niveau là on est au point mort. Après, on essaye de se diversifier un peu. On a toujours eu ce projet d'essayer d'un jour de lancer un disque qui là prend un peu plus forme. C'est quand même toujours un projet, mais ça commence vraiment à bien se dessiner. Donc on espère là d'ici quelques mois pouvoir sortir un petit disque. On a plein d'amis qui prod à côté de nous. Nous, on prod pas du tout. Mais plein de potes qui prod à côté de nous qui sont chauds sur ce projet-là. Donc normalement, ça devrait un jour voir le jour. Quoi. Okay. Et c'est-à-dire... Du coup, digger, DJ... Mais pas du tout producteur. Pas du tout producteur, non. Du moins, parmi nous trois, vraiment aucun. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé avec notamment Ben avec qui je mixe, mais ouais, c'est pas un truc sur lequel on a pris beaucoup de temps encore, sur lequel on s'est vraiment investi. On sait que c'est quand même beaucoup de taf avant d'arriver à un résultat auquel tu te satisfais toi-même, quoi. Et en fait, on a quand même. Voilà, on adore nous plus, on est plus dans le dig exactement, c'est ce que tu disais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a, moi personnellement, en tout cas, je parle pour moi, j'ai jamais trouvé la motive de me foutre devant Ableton et bosser ça pendant. C'est vrai qu'on met souvent genre les choses ensemble, mais pour moi, je vois aussi beaucoup comme, par exemple, le boulot pour partir sur quelque chose qui a vraiment rien à voir, comme le boulot, par exemple, d'un footballeur et d'un entraîneur, quoi. Moi, c'est vraiment deux choses qui ont. Bon, il y a des composants qui font en sorte que c'est ça hyper lié à peu près sur le même sujet. C'est ça. Mais après, le boulot n'est pas du tout. Ah ouais, non, c'est clair. Et autant on peut être un DJ, autant on peut être juste un producteur, autant on peut faire les deux. Mais c'est vrai que ça peut sembler assez logique, mais au final, c'est pas une obligation, en fait. Ça n'a rien à voir. Enfin, pour moi, je pense que vraiment, la prod, c'est vraiment quelque chose d'à part. Il y a beaucoup de producteurs qui, naturellement, diguent, parce que diguer, c'est quand même quelque chose de plus facile. T'as juste à aller sur Internet et chercher de la musique. L'inverse, tous les diggers sont pas des producteurs, loin de là. Et donc ça, c'est intéressant aussi. Et c'est ce que je disais, du coup, notamment un peu dans notre DA, nous, on est plus à la recherche de mecs qui peuvent être de très bons producteurs, mais on sait aussi que c'est des très bons DJ, et on les invite parce que c'est des très bons DJ. Ouais. Et du coup, ça nous est déjà arrivé d'inviter des artistes qui prodent pas du tout, mais juste parce que c'est des bons DJ, et on sait. Et qui vont mettre la grosse patate, justement, pendant la soirée. C'est ça. Et nous, c'est un peu plus... on est plus tourné vers ça, vu que du coup, aucun de nous prod. Après, bien sûr, si le DJ prod, c'est trop bien. Du coup, ce que j'ai la dernière soirée qu'on a fait avant le premier confinement, on avait invité Joss et Daïf, deux gros producteurs aussi qui faisaient beaucoup de prod avant, et Joss il continue beaucoup, Daïf est un peu arrêté, mais voilà, c'est des mecs en plus d'être de très bons diggers qui faisaient des super bonnes prod et donc qui fait de ouf quoi. Et j'avais vraiment une question aussi, c'est-à-dire que donc, par rapport à la scène qui soit donc lilloise ou du coup parisienne ou lyonnaise, est-ce que tu as senti vraiment une grande différence par rapport à les lieux où tu vas jouer ou la gestion des artistes que tu vas ramener? Je pense que ça doit être un peu plus difficile de trouver un endroit où jouer à Paris que par exemple à Lille. Même par rapport à ton public. Le public, forcément, la force de foi, c'est complètement différent. Ouais. Après, nous, on va pas se le cacher, en fait, le fait qu'on ait créé ça dans un but au début de rassembler nos potes et pouvoir continuer à faire ça, il y a un événement où on a beau ramener 250 personnes, on sait qu'on aura, je sais pas, peut-être pas sans potes non plus, mais énorme, une base en fait de potes qui fait qu'on a vraiment une super bonne synergie pendant un event. Safe et voilà, c'est ça. Et nous, ça met une bonne ambiance aussi dans le public, parce que justement il y a une bonne vibe de potes qui chauffe. On sait que du public, donc, notre collectif il est basé à fond là-dessus aussi. On a trop de potes qui sont derrière nous et qui adorent ce qu'on fait. Et nous, du coup, ils sont trop chauds de venir à nos events. Ils mettent une ambiance de fou, alors que c'est justement ça qui est un peu dur parfois, c'est d'avoir une bonne ambiance et tout. Mais pour en revenir à ce que tu disais, nous, là où on préférait faire des trucs, du coup, c'était Paris, parce que c'est vrai que Paris, de manière générale, il y a un public qui est un peu plus pointu, qui sait un peu plus ce qu'il va voir, tandis que nous, quand on était à Lille, c'est quand même beaucoup d'étudiants, quoi. Donc c'était des gens de notre école et tout, c'était des mecs qui fait venir à nos events, mais voilà, leur mettais des artistes devant les yeux, ils savaient pas spécialement qui c'était. Paris, c'est quand même devenu maintenant pour moi une référence en termes de musique électronique, où les gens sortent et savent un peu ce qu'ils vont voir, et c'est ça qui était vraiment agréable aussi, organiser des events. Et en plus de ça, comme tu disais, il y a beaucoup plus de structures. Même si c'est plus dur de contacter les gens, t'as quand même plus de structures où tu peux faire ça, quoi. Ok. Du coup, on va arriver au terme justement de cette interview. Ouais. Est-ce que on peut te suivre sur les réseaux, justement, même la Boomerie? Ouais, bien sûr. Instagram, Facebook. Bien sûr. On est du coup sur Facebook, la Boomerie. Instagram, la Boomerie, pareil. Moi, sinon, mon compte perso, ça va être Mariolo, mais pareil, vous pouvez me trouver sur Instagram et Facebook. Et SoundCloud aussi, SoundCloud à fond, surtout pour la Boomerie, où on poste régulièrement des podcasts, du bon contenu justement, avec beaucoup de potes qui partagent tous les mois des trucs, et ça fait bien plaisir. Donc vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux communs que vous connaissez déjà, à fond. Ok, super. Et avec plaisir, alors du coup, oubliez pas les grisailles. Connectez-vous sur les réseaux. C'est ça. Du coup, on va laisser place un petit peu à la musique. Exactement. Et on se retrouve tout à l'heure pour le portrait chinois. Trop bien. Exactement, allez. Exactement. À toutes. you wanna get down tonight? Do you feel alright? Do you wanna get down tonight? Do you wanna get down tonight? Do you wanna get down tonight? Do you feel alright? Thank you. On est de retour pour le portrait chinois, donc t'es prêt à te faire saucer? Allez, olé, olé. C'est parti. Donc une série à conseiller. True Detective, directement, saison 1. Saison 1, mais pas la saison 2. Ou Mr. Robot qui m'a mis une énorme claque. Ouais. Intouchable, ouais. Battu. Nuit ou journée? Ah, journée, directement journée. Moi j'adore danser, faire la fête en journée, je trouve ça bien plus sympa. Ouais. Plutôt avoir 4 jambes ou 3 nez? 4 jambes direct, 4 jambes direct, trop bien, tu t'épuises beaucoup moins et tout, tu peux courir beaucoup plus vite, c'est bien mieux. Je tiens à dire que c'est fait par Pixie. 3 nez, mais c'était pas là-dedans. J'en vois pas beaucoup d'avantages. Un artiste ou un groupe à conseiller? Un groupe, moi c'est Pink Floyd, si je dois parler d'un seul groupe, c'est le groupe qui m'a marqué, ou qui me marque toujours le plus en termes de prod musical en tout cas, à fond, fond. Rouge ou noir? Rouge. Rouge. Tu dis ça pour mes clés USB. Ouais, bien sûr. Premier couché ou dernier debout? Ah, c'est kiff kiff. C'est que parfois, voilà, c'est ça. Je peux, j'ai tendance à faire partie dernier couché, mais je peux taper un premier, ouais, un premier. Enfin non, ouais, dernier debout, mais je peux taper un premier couché très rapidement aussi. Pas du tout prévu. Digital ou vinyle? Ah, vinyle, très très très vinyle, sans parler de. De dire que de critiquer digital ou quoi, moi c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour le vinyle depuis 2-3 ans maintenant, et nos potes aussi, et mon coloc aussi avec qui on mixe, donc vinyle à fond, les DJ qu'on invite aussi. Ça côté touché quoi. Ouais, c'est de fou. Ski ou baseball? Ah, ski. Gros skieur moi depuis, bah du coup on est en Lyonnais, j'ai skié énormément plus jeune, et du coup ça ski, c'est toujours un truc qui est très important dans ma vie. Tu voulais pas dire genre ski snowboard? Un plat parfait pour un date? Oh, alors moi qui suis pas du tout bon cuisinier, je vais essayer de penser à des trucs qu'on m'a bien fait. Du moment que tu dis pas McDo, tu t'en sors. Honnêtement, je pense à, tu vois, un petit truc, ça va paraître un peu facile, mais tu vois, un bon plat à l'italienne avec des bonnes pâtes, tu vois, un truc comme ça, où tu l'emmènes dans un bon resto italien, ça peut être... Spaghetti à la pomme. Ouais, un truc comme ça, tu vois, un peu raffiné, tu vois. Bernard Bianca, quoi. Ouais. Bon, après, t'as de la sauce tomate partout, mais bon, c'est vrai. Bah du coup, ça c'est un peu comme vinyle ou digital. Acheté ou téléchargé? Acheté, ouais. J'ai... Et ton accessoire préféré? Mon accessoire préféré, ah, j'ai une chemise qui, Papix, tu connais, qui voilà, qui m'identifie, les gens m'identifient beaucoup, et celle-ci, il faudra jamais que je la perde, et je la porte toujours dans les belles occasions. Bah nickel. Et là, du coup, elle est où? Et là, du coup, elle est où? Bah dis-toi, elle est chez moi, mais ma mère l'a retrouvée parce que je l'avais perdue. Elle l'a portée hier soir et tout pendant le repas. J'étais fier de l'avoir avec, tu vois. Okay. Dans ce cas-là. Vraie belle chemise. On accepte. Bah super, merci beaucoup. Bah merci à vous les gars. C'était bien cool. Et puis bah on va relaisser place à la musique encore. Allez. C'est ça. Bon week-end. Et puis bah c'est tout bon. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis sur ce, à bientôt. À bientôt. Ciao les gars. Ciao ciao. Bisous. 18h-19h, Convergence, culture et musique électro-underground.